Ndikomanyanga. Nous sommes vendredi 27 novembre 2020. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principales articulations. La journée nationale dédiée au patriotisme sera célébrée le 8 juin de chaque année. Une des modifications analysées lors du Conseil des ministres tenu avant-hier, c'est au moment où cette dernière allait être célébrée au cours du mois de juillet. Vous entendrez les explications du secrétaire général et porte-parole du gouvernement au cours de ce journal. Sit-in ce vendredi matin devant l'école étoile de Maranza. Les parents d'élèves s'insurgent contre la hausse du minéral. Une décision prise à leur insu, disent-ils, mais le directeur de cette école rejette en bloc ses doléances et indique que cette décision a été consensuelle. Le programme de développement des filières ProDéfi en sigle va bientôt vulgariser une nouvelle technique de transformation du lait en brochette dans les provinces du nord du pays pour éviter des pertes en lait. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Désormais, la journée nationale dédiée au patriotisme qui allait être célébrée au cours du mois de juillet sera célébrée le 8 juin. Une journée qui coïncide avec la mort du président Pierre Nkurunziza, guide suprême du patriotisme. C'est l'une des modifications analysées lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 25 novembre 2020. Cela est contenu dans l'article 4 du projet de loi portant modification de la loi numéro 1/06 du 10 mars 2020. Les détails de ces modifications avec Prosper Nagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La loi numéro 1/06 du 10 mars 2020 portant instauration et octroi du statut de guide suprême du patriotisme au Burundi au président Pierre Nkurunziza prévoit en son article 4 l'institution d'une journée nationale dédiée au patriotisme organisée au mois de juillet de chaque année et présidée par le guide suprême du patriotisme. La même disposition prévoit un décret qui précise les modalités de célébration de cette journée. Le gouvernement voudrait mettre en place ce décret et le souci est que la journée soit célébrée le 8 juin de chaque année. Afin que le décret à mettre en place n'entre pas en contradiction avec cette loi, il s'impose de modifier l'article 4 en précisant que la journée nationale du patriotisme sera célébrée le 8 juin de chaque année au lieu du mois de juillet de chaque année. Par ailleurs, comme le guide suprême n'est plus en vie et que la même loi stipule que c'est lui qui préside cette journée, une modification s'impose pour indiquer que la journée sera présidée par le président de la République. À l'issue des échanges, le Conseil des ministres a adopté ce projet. C'était là le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Nagwamiye. Il reste difficile de chiffrer les transferts monétaires des Burundais de la diaspora. Le directeur général de la diaspora au ministère burundais des Affaires étrangères précise toutefois que ces Burundais contribuent énormément dans le développement du pays par la construction des écoles, hôpitaux et autres. Fulbert Murikambanze informe également que le nombre exact des Burundais vivant à l'étranger n'est pas connu du fait que certains partent dans l'informel. Des Burundais vivant dans deux pays vont être identifiés, a-t-il ajouté ce jeudi en conférence de presse. La semaine de la diaspora n'a pas été organisée habituellement au mois de juillet suite au Covid-19. Suivez-le au micro de Miri Kanyang. Sans être exhaustif, la contribution de la diaspora dans le monde du pays est multiforme. La diaspora contribue aux actions d'appui et d'accompagnement des familles. En ce qui nous concerne, en tant que ministère des Affaires étrangères et de la coopération et développement, le gouvernement est particulièrement intéressé par la contribution aux investissements économiques et sociaux du pays par la diaspora dans la construction des infrastructures sociales. En 2016, il a été mis en place la politique nationale de la diaspora avec son plan stratégique de mise en œuvre. Cette stratégie qui a accompagné la politique nationale de la diaspora. La direction en charge de la diaspora est en train d'implémenter cette stratégie. Nous sommes vers la fin de cette stratégie. On pense qu'on va évoluer vers l'élaboration d'une autre stratégie pour la mise en œuvre effective de la politique nationale de la diaspora. C'est un point important pour le ministère. Nous sommes en contact avec ceux qui sont chargés des chiffres. Nous sommes en contact avec nos services pour effectivement retracer l'apport de la diaspora. Mais comme vous le savez, ce n'est pas un travail facile. La plupart des membres de la diaspora le font de manière informelle. Là, ce n'est pas toujours facile d'avoir les informations fiables. On va à travers un projet qui va être mis en œuvre par l'OIM. On va essayer de travailler dans deux pays pour effectivement avoir un exemple concret qui peut nous servir de référence afin qu'on puisse continuer dans ce sens. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le dis en titre, bientôt la vulgarisation d'une nouvelle technique de transformation du lait en brochette par le programme de développement des filières en vue d'éviter des pertes au fait, en fait en lait plutôt qui se faisait des fois sur les centres de collecte et de sous-produits. Cette formation sera dispensée principalement dans les centres de collecte construits plutôt par le Prodéfi, une technique qui n'exige pas beaucoup de moyens, sauf la séparation du lait et de l'eau. Le reste étant de griller les brochettes sur la braise, comme l'indique Proté Gahungu, responsable chargé des filières au Prodéfi dans le nord du Burundi. Il était avec Apollinaire Muzagara. Comme l'indique Proté Gahungu du programme de développement des filières au nord, pour préparer ces brochettes de lait, le lait est chauffé jusqu'entre 60 et 70 degrés Celsius. Après, on y met du vinaigre comme coagulant en vue de la séparation du lait et de l'eau. Toujours dans le cadre de cette séparation, on passe à l'étape de pressage dans une étoile blanche très propre. Après l'obtention d'une sorte de beurre, on passe au découpage en petits morceaux qu'on introduit dans de l'huile de coton chaud. C'est la préparation des ingrédients qui suit. Ensuite, ces morceaux sont mis sur des tiges en alternance avec ces ingrédients, comme on le fait pour des brochettes habituelles. On obtient enfin une brochette de lait de bonne qualité. Selon Proté Gahungu, cette méthode sera prochainement vulgarisée, surtout dans les 15 centres de collecte de lait, selon lui, construits par le Prodéfi dans les provinces d'Ngozi et Kayanz. L'objectif, selon ce responsable des filières au Prodéfi Nord, est d'éviter les pertes en lait qui se constataient des fois sur ces centres en cas de manque de marché d'écoulement de ce produit. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara. Nous poursuivons ce journal avec la page santé. Les patients sont interpellés à porter les médicaments périmés aux non utilisés au district sanitaire afin de s'en assurer la gestion meilleure. Désiré Bizimana, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens au bout du Burundi, fait savoir que les médicaments périmés deviennent du poison aux usagers. Il dit cela après que certains habitants de la ville de Bujumbura aient confirmé qu'ils jettent les médicaments périmés dans des poubelles. On l'écoute, ses propos ont été recueillis par Omer Douaïo. La première chose qu'il faut savoir, le médicament, même s'il est de bonne qualité, même s'il remplit toutes les conditions, quand il est mal utilisé, il devient du poison. Ça devient très dangereux pour la santé de la personne qui utilise ce médicament. C'est encore plus grave quand il s'agit d'un médicament périmé. De ma connaissance, il n'y a pas de politique claire de collecte des médicaments qui restent dans les ménages pour le moment. Et là, on comprend bien que le ministère de la Santé publique devrait fournir des efforts pour mettre en place cette politique de collecte des médicaments qui restent dans les ménages pour assurer une destruction correcte afin de protéger donc la santé de la population et l'environnement. Normalement, ce qui se fait, les médicaments périmés ou au risage qui sont dans les pharmacies, collectés chaque fin du mois, on les inventorie et puis on fait un PV et on les met dans une zone de quarantaine. Après, on les transporte vers les districts sanitaires qui sont un peu partout dans le pays afin d'organiser une destruction avec l'assistance des techniciens habilités dans ce domaine, accompagnés par le ministère de la Santé publique. Pour les médicaments qui restent dans les ménages, c'est un grand souci jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est de sensibiliser le ministère afin de penser à cette question ensemble avec le ministère en charge de l'environnement, afin de trouver donc une stratégie de collecte de ces médicaments. Un conseil que je dois donner en tant que professionnel, les parents, les adultes à la maison, il faut se rassurer que les médicaments, quand ils sont en bon état ou après usage, s'il y a des quantités qui restent, ces médicaments doivent être rassemblés, mis dans des endroits protégés, dans des armoires bien fermées. Peut-être après, on pourra penser, en collaboration avec le ministère, s'il y a possibilité d'acheminer ces médicaments dans des pharmacies de district, comme on le fait pour les pharmacies, afin d'assurer donc une bonne gestion de ces produits et hors usage, dans le but de protéger la santé de la population en général et de l'environnement. Vous savez qu'un médicament, c'est un poison, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour l'environnement, qu'il faut manipuler avec beaucoup de délicatesse. C'était la Désirée Bidimana, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Je vous le disais en titre, hausse du prix du haricot, marché situé au chef-lieu de la commune Gisuru de la province Ruigi à l'est du Burundi. Un kilogramme de haricot s'achète entre 2000 et 2200 francs selon les commerçants de ce marché. Au sein de l'administration communale, l'on explique cette flambée du prix de cette denrée de base par le manque de récoltes suffisantes. La saison culturelle a toutefois, on indique que l'administration essaie de stabiliser les prix par des sensibilisations, voire même des sanctions à l'endroit des commerçants spéculateurs. Les précisions avec Moïse Moussago depuis Ruiki. Dans ce marché, le haricot se vend par gobelet de demi-kilogramme. Le haricot de type kinure et autres qualités de plusieurs sortes dites ibivanze, un kilo s'achète entre 2000 et 2200 francs. Les commerçants disent qu'ils s'approvisionnent ailleurs car, disent-ils, ils n'ont pas eu de bonnes récoltes dans la précédente saison culturelle. La population de cette localité dit que c'est difficile ces derniers temps d'acheter le haricot à cause de ce prix qu'elle trouve exorbitant. Les commerçants de cette denrée de première nécessité craignent le pire. Ils indiquent que les champs de haricots sont en train d'être endommagés par des fortes pluies dans ces derniers jours. Au sein de l'administration communale, l'on explique cette flambée du prix du haricot par le manque de récolte suffisante. Elfaz Nakarutimana, conseiller technique de l'administrateur de la commune Gisuru, chargé des affaires administratives et sociales, indique que l'administration fait son mieux pour stabiliser les prix. Avant, le gobelet passait de 600 à 800 francs, et lorsque la denrée était plus ou moins rare. Mais cette année-ci, ça a flambé jusqu'à un degré vraiment lamentable. Le gobelet est arrivé même à 1300 francs. Ça n'avait jamais eu lieu. La cause, c'est qu'il y a eu des aléas climatiques qui ont fait qu'il y ait une baisse de production. Mais il y a aussi une autre retard social qui fait que les gens, à l'issue de la récolte, ils gaspillent trop. Et chaque fois, lorsque nous avons écho d'une flambée de prix de tel ou tel produit, nous nous rendons sur les lieux pour constater les faits sur place. Et alors, nous essayons de conseiller les vendeurs. Des mesures même contraignant des sanctions puissent être prises si on ne suit pas les conseils qui leur sont prodigués. Quant aux inquiétudes comme quoi le haricot serait exporté en clandestinité vers la Tanzanie, cette autorité administrative répond par la négative. Toutefois, elle précise que les administratifs à la base qui sont frontaliers avec la Tanzanie ont une injonction de veiller qu'il n'y ait pas de produits agricoles comme le haricot qui soit exporté. Depuis la commune Gisuru de la province Ruyigi à l'est du Burundi, Moïse Misago, Radio Isanganiro. De Ruyigi, rendons-nous à Makamba, au sud du pays, où les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours ont évidemment impacté les ouvrages à maçonnerie et les ouvrages routiers au Burundi. Le directeur général de l'agence routière du Burundi l'a dit l'après-midi de ce jeudi après une visite avec ses ingénieurs techniciens des ponts situés sur la RN3 et RN11 de la région sud, surtout en province Makamba. Le constat a été que presque tous ces ponts, dont Nyengwe, Rukozire, Nghongwa et Buyezi, sont effectivement menacés d'écoulement, mais plus particulièrement ce dernier, Milndaisaba, tranquillise les usagers que les activités de réhabilitation de ces ouvrages vont bientôt commencer. On l'écoute. Nous avons visité le pont Nyengwe, relié à la province Rumonge, la province Makamba, le pont Mugombwa et le pont Rukozire. ainsi que le port le Bouyézi. Nous avons vu que le port Bouyézi était sérieusement menacé, d'où nous avons recommandé aux ingénieurs techniciens que nous sommes ensemble qu'ils vont traiter un dossier dans les meilleurs délais pour que, avant le 15 décembre, les travaux de réhabilitation de ce port qui est tellement menacé soient quand même débutés. Sur la RN numéro 3, exactement au niveau de Rukonwe, la dégradation qui s'est observée ces derniers jours, est-ce que vous avez des réponses à y apporter pour que les usagers de cette route soient tranquillisés? L'agence de sécurité du Burundi a déjà fait ce constat et elle a déjà mis les études en place et le dossier de ces études a été transmis au service du marché public. Nous voulons tranquilliser la population qui utilise cette route que le 30 sera où on va ouvrir les offres pour voir celui qui va gagner le marché de fourniture afin que les travaux de réhabilitation de ces points qui sont endommagés commencent. Toutefois, ce directeur général de l'agence routière du Burundi trouve le non-entretien au quotidien de ces ouvrages par la population riveraine et le manque de mobilisation de cette dernière de la part de l'administration locale. Il en appelle tout un chacun à comprendre que la protection des points endommagés aussitôt constatés avant que la situation ne s'empire concerne tous citoyens et surtout aux administratifs de sensibiliser à cette fin leurs administrés. Les parents des élèves de l'école de Maranza ont fait un sit-in à cette école le matin de ce vendredi, demandant l'annulation de la décision prise par la direction sur l'augmentation du Minerval et passant de 90 000 francs à 110 000 francs burundais. Ses parents signalent qu'il n'y a pas eu de consensus. Jean-Marie Vianney, Niyomungere, directeur de cette école, rejette toutes les accusations et affirme que les décisions ont été prises dans les réunions avec les parents. Il leur demande de respecter ce qui a été décidé pour le bon fonctionnement de l'école. Et les employeurs ne devraient pas faire la retenue sur salaire pour les jours non prestés si un employé était confiné suite à la pandémie de COVID-19. Ce sont les propos du secrétaire général de l'Association des employeurs du Burundi. C'est au moment où certains employés se sont plaints contre cette habitude de certains employeurs. Gaspard Ndissabila propose le dialogue entre l'employeur et l'employé pour trouver un issue intermédiaire qui facilite les deux côtés. C'était lors d'un atelier d'échange organisé ce jeudi à Gitega par l'Association des employeurs du Burundi pour sensibiliser les employeurs à protéger leurs employés sur leur lieu de travail. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana qui était de l'autre côté de la vitrine de la présentation. Vous étiez avec Évariste Ndikobanyanga. Bon après-midi à toutes et à tous.